الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل مع نظم البيقوني للإمام البيقوني وقد رأينا الأسبوع الماضي الحديث الصحيح وذكرنا شروطه يقول المؤلف أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله ثم قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت بعد أن ذكر الحديث الصحيح انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث الحسن وذكرنا أن العلماء رحمهم الله قسموا الحديث باعتبار قبوله ورده إلى قسمين فقسم مقبول وقسم مردود والمقبول ينقسم كذلك إلى قسمين منه الصحيح ومنه الحسن فالحديث الصحيح يقبله أهل العلم وكذلك الحسن وإن كان دونه في الرتبة والمردود وهو الضعيف وكما سنرى أقسامه كثيرة Donc la semaine dernière nous avions vu الحديث الصحيح الحديث authentique Et nous avions cité donc les conditions pour qu'un hadith soit considéré comme authentique chez les muhaddithin. Donc l'auteur il nous dit أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Donc dans ces deux vers, l'auteur il nous cite donc les cinq conditions pour que le hadith soit authentique. Ensuite, il nous dit وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوفُ طُرْقًا وَغَدَتْ رِجَالُهُ لَكَ الصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ Ensuite, donc, il passe au hadith que l'on appelle Hassan, qui est en dessous du hadith Sahih. Donc, il y a deux sortes de hadiths, des hadiths que l'on peut dire acceptés et des hadiths rejetés. Les hadiths acceptés sont de deux sortes, il y a Al-Sahih et il y a Al-Hassan. Et ensuite, rejeter, c'est Ad-Daif. Donc, nous allons réécrire les conditions du hadith Sahih, justement, pour voir quelle est la différence avec le hadith Hassan. En réalité, c'est la même ou top. Donc, on va voir ensuite. إذن يقول المؤلف رحمه الله أول والصحيح وهو ما اتصل إذن اتصال السند إسناده ولم يشذ الخلو من الشذوذ أو يعل الخلو من العلة. يرويه عدل العدالة ضابط تمام الضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Donc de ces deux vers, on a tiré les cinq conditions. Tissal sanad, c'est-à-dire que la chaîne de transmission soit liée du début jusqu'à la fin, qu'il n'y ait pas de coupure. Walam yushadha, chose on avait expliqué, c'était le mukhalafa, lorsque donc la personne rapporte un hadith qui est contraire à ce qu'ont rapporté des gens maîtrisant plus que lui ou bien en plus grand nombre. Au yu'al, là on avait dit que c'était donc une cause cachée dans la chaîne de transmission qui rendait le hadith faible. L'adloun, l'adala, donc l'intégrité, d'abt, c'est la maîtrise du hadith, la mémorisation du hadith. On avait dit que la personne peut mémoriser de deux manières, soit par cœur, soit en écrivant dans un livre qu'elle donc protège de tout ce qui peut donc modifier ou falsifier ce livre. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. هذا هو القسم الثاني. معنى ذلك أن طرق الحسن معروفة، فكلمة المعروف لا ترجع إلى الحسن وإنما ترجع إلى الطرق. الحسن المعروف طرقا، الأصل أن يكون طرقا جمع طريق، ولكن للضرورة الشعرية يعني سكنت الراء. الحسن المعروف طرقا وغدت، يريد بمعرفة الطرق الاتصال، معنى ذلك أن يكون هذه الطرق متصلة كما في الحديث الصحيح. وغدت رجاله بمعنى صارت رجاله لك الصحيح اشتهرت، معنى أن رجال الحسن، نعم رجال الحسن ليسوا كرجال الصحيح. وهذه والفرق بين رجال الصحيح ورجال الحسن وفي الضبط، وفي الضبط الذي هو الشرط الخامس. فرجل الصحيح يكون ضبطه تاما كاملا، ورجل الحسن أو راوي الحسن يكون ضبطه خفيفا، هو ضابط ولكن أقل من راوي الصحيح. ولهذا من العلماء من يعني غير بيت البيقوني فقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. Donc ensuite الحسن، donc la deuxième partie donc la deuxième sorte de hadith, il nous dit المعروف طرقا. Donc طرقا c'est le pluriel de طريق. Normalement il aurait dû dire طرقا، mais donc à cause du fait que c'est des vers de poésie, donc il a fallu respecter certaines règles. Donc il a enlevé la dhamma pour dire turqan au lieu de turqan. Il veut dire par turqan la chaîne de transmission. Les chaînes de transmission, donc elles sont connues. C'est-à-dire qu'elles sont, pareil comme pour al-sahih, muttasila, liées du début jusqu'à la fin. وغدت رجاله، c'est-à-dire que celui qui rapporte le hadith hassan ou bien ceux qui rapportent le hadith hassan ne sont pas comme ceux qui rapportent le hadith sahih. Donc la différence entre le narrateur du hadith hassan et celui du hadith sahih, c'est dans la maîtrise. Dans la maîtrise du hadith. Ça peut pas être dans notre adala, donc s'il n'y a plus d'adala, même si tu maîtrises le hadith, ton hadith est faible. Donc cela est dans la maîtrise, ad-dabt. Donc le narrateur du hadith sahih et tam al-dabt, c'est-à-dire qu'il a une maîtrise complète du hadith. Comme on a dit, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'erreur, mais ses erreurs sont très minimes. Rawi al-hadith hasan, il est en dessous de ça. C'est-à-dire qu'il maîtrise le hadith, mais sa maîtrise est légère. Il n'est pas faible, mais sa maîtrise est légère. Khafif al-dabt. Donc son hadith sera considéré comme hasan. C'est-à-dire, on peut traduire cela sahih comme authentique et hasan comme bon. C'est un hadith bon, hasan. Même dans la langue arabe, hasan ça veut dire bon. لكنه مقبول. فالعلماء رحمهم الله يقبلون في الاحتجاج الصحيح كما يحتجون بالحسن. Mais c'est un hadith accepté. C'est juste pour savoir qu'il n'est pas au niveau du hadith authentique. Mais sinon, pour argumenter, les savants, depuis toujours, ils rapportent des hadiths authentiques comme ils rapportent parfois des hadiths bons. Donc cela est juste pour savoir la différence qu'il y a entre les deux. Rawi al-sahih wa ma yu'abbaru bihi ou ma yu'abbaru anhu bi-thiqa. الثقة هو الراوي الصحيح والذي يروي الحديث الحسن هو الصدوق الصدوق والعلماء كيف وصلوا إلى هذه الكلمات مثلا يعني عندما نبحث عن راوين نرى أن كل العلماء أثنوا عليه ولم يذمه أحد فهذا يحكم العلماء بأنه ثقة الصدوق نرى أن العلماء يعني منهم من أثنى عليه ومنهم من ذمه فيحكم العلماء بأنه صدوق بأنه صدوق وقد يضعفه بعض العلماء فالصدوق هو راوي الحديث الحسن. Donc celui qui rapporte le hadith authentique, c'est celui que l'on appelle al-thiqa. On pourrait traduire cela comme la personne fiable. Al-thiqa. Donc ça, ça englobe l'adala et al-dabt. Et celui qui rapporte le hadith hasan, c'est celui qu'on pourrait appeler sadouq. Sadouq. Donc si on ouvre des livres comme par exemple Al-Taqrib de Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, où il a cité justement le statut de chaque narrateur dans Al-Kutub Sitta. Et lui, il fait le résumé. Donc il nous donne le résumé de la situation du narrateur. Donc nous on pourrait chercher nous-mêmes, qu'est-ce qu'on dit l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'id, Abu Hatim sur ce narrateur. Mais Al-Hafidh ibn Hajar, jazallahu khairan, il a fait ce travail. Donc il est parti chercher ce qu'ont dit les savants sur tel ou tel narrateur et lui, il nous fait le résumé. Il va nous dire par exemple un tel thiqa. Et lorsqu'on en recherche, on va trouver que tous les savants n'ont dit que du bien de lui. N'ont dit que du bien de lui, donc Al-Hafidh ibn Hajar nous dit thiqa. Parfois, il va nous dire sur un autre, il va nous dire sadouq. C'est-à-dire que, bon, la majorité ont dit du bien de lui, mais certains ont dit parfois un peu de mal. Donc lui va nous dire sadouq. Parfois, il va trouver un autre qui est peut-être au même niveau. Il va dire par exemple, sadouqun yukhti. Il est sadouq, mais il fait des erreurs. Ou sadouqun yahim. Il est sadouq, mais parfois il a des oublis. Donc Al-Hafidh ibn Hajar dans son livre Al-Taqrib, donc il nous donne le résumé du statut des narrateurs des six livres qui sont Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i et Ibn Majah. Donc Rawi Al-Hasan wa Al-Saduq. Donc comme on a dit, c'est un hadith accepté. العلماء رحمهم الله اختلفوا في تعريف الحديث الحسن. فالبيقوني هنا يقول والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. فالمؤلف رحمه الله يرى أن الحديث الحسن هو ما كان كالصحيح إلا أن ضبط راوي الحسن أخف من ضبط راوي الصحيح. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر أن الحسن هو ما اتصل إسناده ورواه عادل خفيف الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. فهو نفس حديث نفس تعريف الحديث الصحيح إلا أن الضبط خفيف هنا. دونك لوتر رحمه الله دونك لي سافون ont divergé sur le hadith hasan. Quelle est sa définition? Donc l'auteur rahimahullah ici nous dit que, en résumé, que le hadith hasan c'est le même que l'authentique, sauf que le narrateur il a une maîtrise plus faible que celui qui rapporte le hadith authentique. Sinon c'est le même. Donc ittisal al-sanad, l'adala, qu'il n'y ait pas de choses ni d'aïla, et khafif al-dabt. Donc khafif al-dabt c'est al-hasan. Donc ça c'est ce que nous a dit al-Hafidh ibn Hajar dans al-Nukhba. Al-Imam al-Tirmidhi rahimahullah يقول أن الحديث الحسن وكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. الإمام الترمذي رحمه الله نوت ديفينيسيون دو حسن. Il nous dit c'est tout hadith dans lequel il n'y a pas de personne accusée de mensonge. Accusée de mensonge. Donc c'est lié à l'adala. C'est plus lié au dhabt, c'est lié à l'adala. Le mensonge c'est l'adala. Comme on avait dit, l'adala huwa mulazamatu taqwa wal muru'a. Donc dans la chaîne de transmission, il n'y a pas de personne qui est accusée de mensonge. Et le hadith n'est pas chaise, c'est-à-dire contraire à un autre hadith plus fort. Et ce même hadith est rapporté dans une autre chaîne de transmission. C'est-à-dire que donc nous avons un hadith dans lequel il y a une faiblesse, c'est-à-dire c'est en dessous du hasan, en dessous du Rawi Sadouq, sauf que cette personne n'atteint pas le niveau d'être accusé de mensonge. Par exemple, il peut être Sadouqun Yukhti, Sadouqun Yahim. Ça, c'est des rapporteurs du hadith faible. Mais ils n'atteignent pas le niveau qu'il y ait une personne Ani Muttaham Bil Kadhib. Car Muttaham Bil Kadhib, son hadith, il est, comme on va voir, Matrouk, inacceptable, rejeté de tous. Et en plus de cela, ce hadith, il est rapporté de plusieurs chaînes de transmission. Donc ça, ce n'est plus la même définition que Al-Biquni ou bien Al-Hafidh ibn Hajar. Donc ici, nous avons un hadith faible. Faible, mais rapporté de plusieurs chaînes de transmission. C'est pour ça qu'ensuite, certains savants sont arrivés et ont dit... Avant le Hafidh ibn Hajar, il y a eu Al-Khattabi, par exemple, qui avait donné le même hadith, la même définition que Al-Biquni. Donc Ibn Salah, rahimahullah, lorsqu'il est arrivé, donc il a dit, en prenant toutes les définitions, il a dit, hadith hasan, il y a deux sortes. Al-Hasanu li dhati, ou Al-Hasanu li ghairihi. خفيف الضبط. خفيف الضبط. Donc ça c'est حسن. Celui-ci est dit. Donc lorsque vous entendez Hassan les Zatiri, ou bien Hassan tout court, c'est celui-là comme lequel on parle. Ensuite, nous avons le hadith Al-Hassan Nireli, celui qu'a donné l'imam Tirmidhi. Donc nous avons deux sortes de hadith Hassan. Al-Hassanu li-dhatihi. Donc ça c'est celui qu'on a donné. Donc lorsque vous entendez tel hadith il est Hassan, sans qu'on vous dise rien, ni li-dhatihi ou la li-ghayrihi, c'est le premier. D'accord ? Et si on vous dit Al-Hassanu li-ghayrihi, c'est-à-dire c'est un hadith, si vous recherchez ce hadith, vous allez le trouver faible. Mais il y a beaucoup de chaînes de transmission, différentes bien sûr. Beaucoup de chaînes de transmission différentes, qui sont toutes faibles, mais ces chaînes de transmission faibles montrent que ce hadith a une base. Ce qui est dommage, j'ai une personne faible qui me rapporte une information. Je vais dire, peut-être que c'est pas vrai. Une deuxième personne faible me rapporte la même information. Je vais commencer à douter de l'authenticité de l'information. Une troisième, une quatrième, tous ces gens-là, ils sont faibles. Mais ils m'apportent la même information. C'est pour ça que donc, ce nombre de personnes qui sont tous faibles, mais qui rapportent le même hadith, renforce l'information. Renforce l'information. Mais donc, il sera appelé Hassanun li-ghayrihi. Donc, il n'est pas Hassan en lui-même, mais c'est toutes ces chaînes de transmission qui l'ont renforcé, l'ont fait remonter jusqu'au degré de Hassan. Là, à partir de deux, ça renforce. طيب الآن لو كان عندنا حديث حسن لذاته. ونفس الحديث يروى من طريق آخر حسن لذاته كذلك وثالث حسن لذاته فهذا يرتقي إلى الصحيح لغيره الصحيح لغيره فالصحيح الذي ذكرناه كذلك يوجد صحيح لذاته وصحيح لغيره. Donc pareil pour le hadith Hassan. Le hadith Hassan li dhatihi, si nous avons plusieurs chaînes de transmission qui sont tous à ce degré de Hassan li dhatihi, le hadith également, il prend de la force et s'élève en degré et il deviendra sahihun li ghayrihi. Sahihun li ghayrihi. والحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. فمثلا عندنا حديث يروى من أربعة أسانيد. إسناد إسناد إسناد وفي كل إسناد راو خفيف الضبط. وعندما نقول حسن وخفيف الضبط أن يكفي أن يكون واحد خفيف الضبط، يعني واحد يخفف ده فإن ينزل الحديث عن رتبة الصحيح، يعني لا نطلب أن يكون كل الرواة خفاف الضبط. فمثلا كل إسناد فيه راو خفيف الضبط فيكون الحديث صحيح لغيره. Donc tout à l'heure on disait que le hadith sahih, le hasan, c'est celui dont donc le narrateur est khafif al-dabt. On ne veut pas dire que tous les gens de l'isnad ils ont une maîtrise légère. Non, il suffit qu'un seul dans l'isnad ne soit pas tam al-dabt pour que le hadith passe de sahih à hasan. Mais si le même hadith donc dans est rapporté de quatre chaînes de transmission, et dans chaque chaîne de transmission il y a une personne donc qui a une maîtrise légère du hadith, le hadith donc passera de hasanun li dhatihi à sahih li ghayrihi. C'est clair ou pas? Idhan indana arba'at anwa', indana sahih li dhatihi, sahih li ghayrihi, al hasanu li dhatihi wa al hasanu li ghayrihi. Donc nous avons quatre sortes de hadith acceptés. Al sahih li dhatihi, donc ça c'est le premier qu'on a vu. Al sahih li ghayrihi, celui qu'on vient de voir, donc lorsqu'il y a plusieurs chaînes de transmission qui sont hasan li dhatihi, il monte au sahih li ghayrihi. Nous avons al hasanu li dhatihi, celui qu'on vient de voir en haut, et nous avons également al hasanu li ghayrihi, qui est à la base faible, mais donc il y a plusieurs chaînes de transmission qui renforcent le hadith. Al-Hasan huwa idhan manzila bayna al-sahih wa al-da'if. Wa li hadha mu'dham al-ahadith allati fiha khilaf bayna al-ulama hiya fi hadha an-naw' min al-ahadith. Tajidu an ahadan min al-ulama أن يحسن الحديث ويتأخر ويضعفه. الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما يحكم أن الراوي صدوق قد يتأخر ويغلب جانب الجرح على جانب التعديل، فيقول هذا الذي حكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه صدوق فهو في الحقيقة ضعيف، وفي الحقيقة ضعيف. donc الحسن c'est la classe intermédiaire entre le hadith authentique et le hadith faible. C'est-à-dire donc que certains savants donc n'arrivent pas à rendre le hadith faible et n'arrivent pas également à le rendre authentique, donc ils disent qu'il est une classe intermédiaire, hasan. Et donc, mais malgré cela, c'est la chose sur laquelle il y a la plus grande divergence. Lorsque vous trouvez un hadith sur lequel vous trouverez une personne qui la rend hasan et une autre qui la rend faible, c'est sur ce type de hadith. Car une classe intermédiaire est très difficile à déterminer. Même quand le Hafid ibn Hajar dit un tel il est sadouk, d'autres vont dire non, il est faible. Le Hafid ibn Hajar, ça reste que son avis. Les gens ne sont pas obligés de suivre son avis. Donc, c'est clair qu'au départ, la personne donc, qui débute, il suit beaucoup ses avis, mais des personnes qui ont atteint un niveau élevé dans la science du hadith, donc ils essayent de chercher et de se forger leur propre avis. Donc c'est sur ce type de hadith que la divergence est la plus forte. C'est clair le hasan ou le sahih. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما عن رتبة الحسن وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام أو أقساما كثر. Donc ensuite il nous dit que tout hadith qui descend en dessous du degré de hasan, il est faible. Tout hadith qui descend en dessous du hadith hasan, fahuwa dhaif. Wa huwa aqsamun kuthur. Et il y a de très nombreuses sortes de hadith faibles. Donc on avait cité cela la semaine dernière, un hadith faible dans chaque catégorie. Ittisal al-sanad, vous avez trouvé en fonction de l'inqita', il y a une sorte de hadith faible. Ensuite on avait dit al-khulu' min al-shuzuz, nous allons avoir al-hadith shaz, al-hadith al-munkar. Al-khulu' min al-illah, on aura al-hadith al-mu'al ou al-hadith al-muttarib. On aura ensuite par rapport à l'adala, le matrouk ou le hadith le moudou. Donc tout ça, c'est des hadiths liés à l'adala. Et ensuite, par rapport au dhabt, nous aurons donc le hadith daif. Donc il y a énormément de sortes de hadiths faibles. Après, il se peut qu'il y ait plusieurs causes de faiblesse dans le même hadith. Donc l'auteur, rahimahullah, il va citer donc plusieurs hadiths faible après plusieurs, donc dans plusieurs vers. Donc toute chose qui descend en dessous du hasan, que ce soit le problème dans l'inqita', que ce soit le problème dans l'ittisal, ou bien dans al-shuzuz, ou bien la'illa, ou bien l'adala, ou bien dhabt, c'est ce que l'on appelle hadith daif. Et ce hadith daif possède plusieurs catégorie en fonction de la cause qui a rendu ce hadith faible. Le hadith daif, الذي لا يكون الضعف شديدا الذي لا يكون ضعفه ضعفا شديدا نقصد بالضعف الشديد يعني ما رواه المتروك والمتهم بالكذب والكذاب هذا لا نشك أن ما يرويه ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مثلا راوي يكون صدوق يخطئ هذا إذا روى الحديث وانفرد به حديثه ضعيف ولكن هناك احتمال أن يكون هذا الحديث قد حفظه هذا الراوي يعني حتى الراوي الضعيف لا نعني أنه يعني لا يحفظ شيئا يعني قد يكون مثلا ويخطئ في أحاديث كثيرة ولكن هذا الحديث بالضبط قد حفظه ولكن مع ذلك العلماء يحكمون على حديثه بالضعف لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من كذب عليه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال صلى الله عليه وسلم من حكى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين donc on a dit donc le hadith faible donc quand on parle de hadith faible pour l'instant on va pas parler du hadith très faible comme le hadith al-mawdou' qui est un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien le hadith le matrouk rapporté par une personne qui est accusée de mensonge. Al-Kazzab, c'est celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muttahim bil-Kadhib, c'est celui qui ment sur les gens. Il ment sur les gens, donc lui, wa muttahim bil-Kadhib. Donc ça, c'est un hadith très faible. Donc on ne parle pas de cela pour l'instant. On parle de, par exemple, le hadith rapporté par un narrateur faible. Par exemple, un sur qui on dit Sadoqun yukhti ou Sadoqun yahim. C'est-à-dire, il est Sadoq, mais il fait des erreurs. Sadoqun, il a des oublis. Cette personne-là, donc si elle rapporte ce hadith toute seule, donc dans une seule chaîne de transmission qui n'a pas d'autre, son hadith est jugé comme faible. Mais la personne pourrait dire, il y a peut-être une possibilité que cet homme ait mémorisé cela. Même s'il est faible, ça veut pas dire qu'il se trompe dans tout, mais il se trompe dans beaucoup de choses. Ce n'est pas possible que ce hadith soit le peu qu'il ait mémorisé. Malgré cela, par précaution, pour préserver le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants statuent que ce hadith est faible. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous met en garde contre le mensonge sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar » Celui qui ment sur moi intentionnellement, qu'il se prépare à avoir une demeure ou bien un siège au paradis, qu'il prépare donc par cet acte son siège en enfer. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui rapporte un hadith de moi tout en sachant que c'est un mensonge, fahuwa ahadul kadhibin. Même si tu le rapportes, tu fais partie des menteurs. Même si c'est pas toi qui l'as inventé, le seul fait de le rapporter fait de toi un menteur. Donc, par rapport à tous ces hadiths, les savants, rahimahumullah, ont pris des précautions pour préserver le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam du mensonge et pour justement faire sortir le hadith authentique ou le hadith hassan. Et donc, c'est pour ça que donc on essaye de voir ces règles. إذن الحديث ضعيف لا يعمل به ولا يحتج به في العقيدة والأحكام لأن لو جوزنا ذلك لانفتح الباب أمام كل من يريد أن يروج عقيدة باطلة أو عبادات مبتدعة ولهذا في العقيدة وفي الأحكام لا يحتج بالحديث الضعيف. Donc le hadith faible ne peut être pris comme argument dans la croyance et dans les adorations, car sinon ce sera une porte ouverte à toute personne voulant propager une croyance erronée ou bien des innovations, il rapporte un hadith daif et ce serait accepté. Le hadith daif dans les ahkam et l'aqida n'est pas accepté. Baqiya ma'ana ma yusama bi fada'il al-a'mal. ونعني فضائل بفضائل الأعمال ما يتعلق بالأخلاق الحسنة والمعاملات الجميلة هذا هو ما يسمى بفضائل الأعمال. Donc فضائل الأعمال c'est ce qui est lié au comportement et aux bonnes attitudes. Comme bir al-walidain, comme al-ihsan ila al-jar, ou al-ihsan ila al-zawja. Donc des hadiths qui parlent de cela. Est-ce que l'on peut citer cela Est-ce que l'on peut prendre un hadith faible pour appuyer ce type de sujet? Donc ce n'est ni الأحكام ني العقيدة. C'est le type de hadith que vous trouvez par exemple في رياض الصالحين وفي الترغيب والترهيب de المنذري. Donc des hadiths qui parlent du comportement. جمهور العلماء يجيزون ذلك يجيزون الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ولكن بالشروط. Donc la majorité des savants ils permettent d'utiliser le hadith faible dans فضائل الأعمال avec des conditions bien sûr, Des conditions qui vont vous faire comprendre pourquoi justement ils ont permis cela. ومن العلماء من منع وقال لا يحتج بالحديث الضعيف مطلقا لا يحتج بالحديث الضعيف مطلقا منهم الإمام البخاري ويدل على ذلك صنيعه في صحيحه حيث أفرد كتابا كاملا يعني جرد فيه الحديث الصحيح وكذلك الإمام مسلم الذي شدد في مقدمة صحيحه على من يروي الأحاديث الضعيفة وكذلك ابن أبي حاتم وكذلك أبو زرعة الرازي وكذلك ابن العربي المالكي وغيرهم Donc certains savants interdisent de prendre comme argument un hadith faible, quel qu'il soit. Car ils disent que dans les hadiths authentiques, il y a ce qui est suffisant pour argumenter. Parmi eux, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, prouve cela donc le fait qu'il ait fait un livre entier dans lequel il ne cite que des hadiths authentiques. L'imam Muslim rahimahullah également qui a un kalem, une parole très virulente contre ceux qui rapportent des hadiths faibles dans l'introduction de son livre Sahih. Également Abu Zurat al-Razi ou Abu Hatim al-Razi. Également Ibn al-Arabi al-Maliki et d'autres parmi les contemporains également Cheikh al-Albani rahimahullah. إذن الجمهور يجيزون ذلك والإمام النووي رحمه الله حكى الاتفاق على جواز ذلك الإمام النووي رحمه الله dans الأذكار dans التبيان في أدب حملة القرآن وفي مقدمة الأربعين النووية il dit que les savants sont unanimes pour dire qu'il est autorisé de citer des hadiths faibles dans ce que l'on appelle فضائل الأعمال وكان هذا الاتفاق غير صحيح Donc il y a une divergence sur ce sujet. Il y a une divergence sur ce sujet. العلماء ذكروا شروطا حتى الذين أجازوا ذكروا شروطا للاستشهاد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد. أن يكون الضعف غير شديد. فلا تستشهد بالحديث الموضوع والحديث المتروك وتقول يجوز الاستشهاد بالحديث الضعيف فضائل الأعمال فحديث الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه فهذا لا يستشهد به لا في فضائل الأعمال وفي غير ذلك الشرط الثاني أن يكون الحديث ضعيف مندرجا تحت أصل عام فهذا الحديث ضعيف لا يأتي بشيء جديد فمثلا أنت أتيت بحديث ضعيف في فضل بر الوالدين بر الوالدين له نصوص كثيرة دلت عليه في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي الصحيحين وفي السنن أحاديث صحاح أو حسنة فأنت تذكر هذا الحديث الضعيف أن تشجع الناس على بر الوالدين بهذا الحديث الضعيف هذا هو الشرط الثاني أما أن تأتي بحديث ضعيف لا أصل له لا أصل له يعني ليس له أصل صحيح فهذا لا يقبل لا في فضائل الأعمال ولا في غيره الشرط الثالث أن يعتقد العامل به أن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله وابن تيمية رحمه الله أضاف شرطا آخر فقال أن لا تتضمن هذه الأحاديث الضعيفة تقديرا أو تحديدا، تقديرا أو تحديدا، مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو صفة معينة. Donc on va citer les conditions que les savants ont citées rahimahumullah pour mettre en pratique le hadith faible fi fada'il al-a'mal. Donc on cite cela afin que la personne, lorsqu'elle lit des livres, ne soit pas étonnée de voir que certains savants citent des hadiths faibles. Parce que parfois certains savants et certaines personnes sont étonnées lorsqu'ils entendent un hadith faible dans un discours ou bien écrit dans un livre. Donc c'est vraiment un sujet de divergence. Le Jumhur permet cela. La majorité des savants permettent cela. Donc les conditions qu'ils ont citées, la première condition est que la faiblesse du hadith ne soit pas forte. Donc il ne faut pas ramener des hadiths inventés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths rapportés par al-muttaham bil-kadhib ou bien des gens donc qui الذي فحش غلطه dont les erreurs sont énormes. Il y a parfois des narrateurs, vous trouverez fahishul ghalat. Hafid ibn Hajar dit fahishul ghalat, c'est-à-dire des erreurs énormes. Donc ça, ces hadiths ne peuvent pas être rattrapés. Donc ça, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pareil que pour le hadith Hassan l'Irélihi. Donc ici, la faiblesse ne doit pas être forte. La deuxième condition, il faut que ce hadith faible nous parle d'un sujet qui a déjà été cité dans d'autres textes authentiques. Par exemple, si j'ai un hadith faible sur l'obéissance aux parents, j'ai un hadith faible sur Fadl al-Sadaqa, j'ai un hadith faible sur la bienfaisance envers les voisins. D'accord ? Donc ça, c'est des hadiths, même s'il est faible, nous avons d'autres hadiths authentiques qui parlent du même sujet. Donc j'ai un hadith faible, par exemple, qui peut inciter une personne à être bon avec ses parents. Donc il ne fera que faire une chose qui a déjà une base dans la religion. Donc ça, c'est la deuxième condition. Donc on ne peut pas ramener un hadith faible, donc, qui n'a aucune base. C'est pour ça que certains savants ont refusé de mettre en application certains hadiths. Comme hadith Salat al-Tasabih, donc ils sont faibles. Et il n'y a aucune base sur cette prière. Donc une prière qui s'appelle Salat al-Tasabih, les savants ont rejeté cela, en disant que c'est faible, en plus ça n'a aucune base. Sauf la base de la prière surrogatoire. La troisième condition, donc il ne faut pas que la personne, lorsqu'elle met cela en pratique, elle pense que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle met en pratique cela, mais sans donc penser que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a cité donc une quatrième condition, il ne faut pas que ce hadith contienne des détails trop précis, ou bien des conditions trop précises. Par exemple, il nous cite un nombre de hasanats. Par exemple ça, non, il faut que ce soit la parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien il te cite par exemple une prière à faire avec telle sourate à lire à tel moment. Ça également, il ne faut pas qu'il y ait ce type de détail. Il faut que ça reste général. وَكِنَّ الْأَحْوَاتَ أَنْ يَبْتَعِدَ الْإِنسَانَ عَنْ ذَلِكَ لَا سِيَمَ فِي هَذَا الزَّمَنِ فَمَنَ الَّذِي أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ وَالْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ حَتَّى لَوْ قُلْتَ لَهُ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَلَا يُمَيِّزُ وفي الأحاديث الصحيحة إن شاء الله غنية عن الأحاديث الضعيفة. Donc le plus prudent est de ne rechercher que des hadiths authentiques. Car surtout à notre époque, les gens ne font pas la différence entre le hadith faible et le hadith très faible. Qui est capable de faire la différence entre ces deux choses-là? Et dans les hadiths authentiques, إن شاء الله, il y a ce qui est suffisant pour argumenter dans les livres et dans les discours. وسنرجع إلى الضعيف عند ذكر الأقسام. ثم قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعه هو المقطوع. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله نوعين الحديث باعتبار المتكلم بهذا الحديث، من الذي يتكلم أو إلى من ينتهي الإسناد. فقال: وما أضيف للنبي المرفوع، أي إسناد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالمرفوع، هذا هو المرفوع. وما للتابعي هو المقطوع، إذا انتهى الإسناد إلى التابعي فهو الحديث المقطوع، وسنرى ما انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف. Donc l'auteur, rahimahullah, il nous cite donc ici deux autres sortes de hadith dans le vers numéro 7. Al-hadith al-marfou' ou al-hadith al-maqtou'. Al-marfou' donc c'est toute chaîne de transmission qui arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit sa parole, que ce soit un acte, que ce soit une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une chose qui s'est faite devant lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepter cela, ou bien même des choses décrivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme sa taille, ses cheveux, son physique, ou bien même son comportement. Tout ça, ce que l'on appelle al-marfou'. Al-maqtou', c'est la même chose, sauf que ça s'arrête au tabi'i. Tabi'i, ce sont ceux qui ont vécu à l'époque des compagnons, radiallahu anhum. Et on va voir également que nous avons al-muqouf. Al-muqouf, c'est les paroles, les actes des compagnons, radiallahu anhum. Nous avons Al-Marfou', le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Mawquf, les compagnons, Al-Maqtou', ceux qui viennent après. Al-Marfou' wa ma udifa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sawa'an kana al-isnad muttasilan aw munqati'an. Aindama naqul marfou' la na'ni bi annahu sahih. Qad yakun marfou' lakin da'if. Donc on dit donc marfou', c'est que la chaîne de transmission s'arrête au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne veut pas dire que la chaîne de transmission est liée. Il peut y avoir une coupure dans la chaîne de transmission. Il se peut que le hadith soit faible. Non, marfou', ça peut être faible, hassan et sahih. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un acte, ou bien une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والمرفوع ينقسم إلى قسمين. مرفوع صريح ومرفوع حكما. Donc المرفوع il y a deux sortes. المرفوع صريح, c'est-à-dire une chose clairement attribuée au prophète صلى الله عليه وسلم. المرفوع حكما, c'est une chose qui n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a le même statut. On va citer les exemples et vous allez comprendre. Donc le marfou' sarih, مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا مرفوع صريح. Ça c'est des choses claires, c'est clairement attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le marfou' al-hukmi هو ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله, ولكن حكم العلماء بأن له حكم الرفع. C'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ni fait, mais les savants ils disent que c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit ou fait. مثلا عندما يقول أحد الصحابة أمرنا, صحابي يقول أمرنا أو نهينا, هذا لم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول أمرنا أو نهينا. فالعلماء حكموا أن هذا النوع من الأحاديث له حكم الرفع. أو يقول الصحابي مثلا من السنة كذا, من السنة كذا, مثلا يقول أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا, هذا يقول من السنة, فهذا له حكم الرفع. تقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا في البخاري, هذا كذلك له حكم الرفع. Donc une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas dite ni faite, mais donc qui a le même statut que cela. Par exemple, les compagnons lorsqu'ils disent, ou bien un compagnon qui dit Umirna, il nous a été ordonné. Ou Nuhina, il nous a été interdit. Ou bien un compagnon, il nous dit Minas Sunnati, fait partie de la Sunna telle ou telle chose. À ce moment-là, c'est comme si on l'avait attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Anas, il nous dit Minas Sunna, fait partie de la Sunna, le fait que donc, l'homme, s'il se marie avec une femme non marié, donc il est déjà marié avec une femme et il se marie avec une femme qui est mariée pour la première fois, il reste avec elle 7 jours. Il reste avec elle 7 jours. Donc on a pu voir ça dans Amdat al-Ahkam. كذلك Anas nous dit مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. Il nous dit, parmi les choses de la sunna, le fait que le mu'adhin dise « As-salatu khayrun minan nawm ». Donc il ne nous dit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien a ordonné. Non, il dit « Minas sunna ». Ça, ça a le même statut que s'il avait dit « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Umm Atiyya radiyallahu anha nous dit « Nuhina an itiba' al-jana'iz wa lam yu'zam alayna ». Il nous a été déconseillé ou bien interdit de suivre le janaza. « Wa lam yu'zam alayna », c'est-à-dire on ne nous a pas interdit cela fortement. Donc c'est déconseillé. Donc ici, elle ne nous cite pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne nous cite pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça a le même statut que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si elle avait, comme si elle avait dit « Nahana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». هذا خاص بالصحابة. إذا قال أحد التابعين من السنة كذا هذا ليس له حكم الرفع. كذلك إذا قال أحد الصحابة كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا, كذلك هذا له حكم الرفع. ولهذا يقول جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عن لنهانا عنه القرآن. كنا نعزل والقرآن ينزل. Également, parmi les choses qui ont le statut du marfou', lorsqu'un compagnon il nous dit nous faisions telle ou telle chose à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes nous faisions telle ou telle chose, donc il ne nous dit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou bien nous a ordonné, non, il nous dit nous les compagnons nous faisons telle ou telle chose à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc également ça a le même statut. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma il nous dit kunna na'zil wal qur'anu yanzil. Al-azl, c'est lorsque donc l'homme, après avoir eu des rapports avec son épouse ou bien Mulk Liyamin, donc il à la fin du rapport, donc il n'éjacule pas à l'intérieur de sa femme, mais à l'extérieur, ce qu'on appelle l'azl. Il nous dit Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Nous faisions cela alors que le Coran y descendait, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit s'il y avait une chose, si c'était une chose interdite, le Coran ne l'aurait interdit. Donc, également, donc, si les compagnons disent nous faisions telle ou telle chose à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a le même statut. كذلك إذا قال أحد الصحابة شيئا لا مجال للرأي فيه. مثلا يخبرك أحد الصحابة عن أمر غيبي فكذلك له حكم الرفع. مثلا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما يقول في تفسير قول الله تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر قال لنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة, هذا قول عبد الله بن عباس, ولكن أمر غيبي لا يقال يعني عن اجتهاد أو عن الرأي. كذلك عندما يقول عبد الله بن عباس في تفسير الكرسي أنه موضع القدمين، موضع القدمين، هذا لا يقال عن اجتهاد أو رأي، فكذلك له حكم الرفع. Également, lorsqu'un des compagnons nous dit quelque chose qui ne peut être dite d'un avis personnel. Par exemple, un compagnon nous cite une chose liée à l'invisible. Par exemple, Abdullah ibn Abbas, il nous dit en expliquant le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna anzalnahu fi lilatil qadr » Nous l'avons fait descendre dans la nuit de Al-Qadr. Il nous dit que le Coran, il est descendu vers le ciel le plus proche, Sama'at Dunya, et s'est mis, donc il est descendu entier. Il est descendu entier à un endroit que l'on appelle Bayt al-Izza, au ciel le plus proche, au premier ciel. Et ensuite, il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 années. Il est impossible que Abdullah ibn Abbas nous dise cela de lui-même, car c'est une chose liée à l'invisible. Donc également, ce type de texte a le statut de marfou. Abdullah ibn Abbas également, il nous explique ce qu'est Al-Kursi, cité dans Ayat Al-Kursi. Il nous dit Al-Kursiyu Mawdi'u Al-Qadamayn. Donc c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala pose ses deux pieds. Alama yaliqu bi jalalihi wa 'azamati. Donc c'est impossible également que Abdullah ibn Abbas nous dise cela de lui-même. Forcément, il a entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que les savants disent que cela a le statut de al-marfu'. Thumma qala wa ma lit-tabi'i هو المقطوع فما أضيف للتابع هو المقطوع التابع هو من رأى الصحابة أو أحد الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا إذا قلنا قال سعيد ابن المسيب قال سالم ابن عبد الله بن عمر قال نافع مولى عبد الله بن عمر قال الزهري هؤلاء كلهم من التابعين فهو الحديث المقطوع هذا هو الحديث المقطوع donc الحديث المقطوع c'est ce qui est attribué aux tabi'in. Tabi'in c'est ceux qui ont vu les compagnons radiallahu anhum qui ont vécu à leur époque, qu'il en ait vu un ou plusieurs sans avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr, sinon il aurait fait partie des compagnons. Par exemple, si on dit قال سعيد ابن المسيب قال الزهري قال عروة بن الزبير قال سالم ابن عبد الله ابن عمر tous ces gens-là font partie des tabi'in. قال خارجة ابن زيد ابن ثابت donc tout ça c'est des tabi'in. Donc ça, si on rapporte une parole de ces gens-là, on dit hadith maqtou' ou al hadith al maqtou'. Donc à ne pas confondre avec al munqati', à ne pas confondre avec al munqati', qui est donc une coupure dans la chaîne de transmission. Al-Maqtou', c'est celui donc qui est attribué à Al-Tabi'i. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit le fa'ida, kana yaqul maqtou' an al-munqati'. L'imam Shafi'i disait pour Al-Munqati', il disait Maqtou', mais donc le seul à avoir dit ça, les autres savants font la différence entre Al-Maqtou' et Al-Munqati'. C'est clair tout ça hein? نعم كان يقول المقطوع للمنقطع ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين C'est un, je crois.